Chapitre 9. L'inévitable remords. Quand il eut dénoncé Jeanne à Madame d'Esnoux, le petit Laplace regretta ce qu'il venait de faire. Sa vengeance était assouvie. Il en vit toute la méchanceté. Il aimait après tout cette fille qui l'avait couvert de caresses, en lui révélant les doux mystères d'amour. Il prit sa course vers la campagne, car il n'osait plus rentrer chez lui. Son père s'était aperçu sans doute de sa disparition. On le cherchait, et une bonne correction l'attendait. Le gamin retourna sur les bords de la Vivanne et s'assit sur l'arbre où Desnoux l'avait rencontré le matin. Il restait là, les yeux ouverts et comme endormi. Le vent soufflait dans les arbres, les oiseaux chantaient, le ruisseau coulait en clapotant. Un murmure s'élevait de toutes les choses et de tous les êtres, songeant à ce qui venait de se passer. Il crut que c'était un rêve. Les voitures passaient sur la route. Les grelots du cheval et les cahotements des roues berçaient son hébétude, celle des gens qui n'ont pas assez dormi. En regardant à travers les branches, il vit une forme noire sur la route. C'était la Bécardine, il était sauvé. Sortant de sa cachette, il alla vers le brave curé. « Bonjour, monsieur l'abbé. Tiens, qu'est-ce que tu fais là ?» Le gamin était devant le prêtre, muet. De grosses larmes lui vinrent aux yeux. « Tu pleures, mon petit, voyons pourquoi. » Le gamin, avec des hoquets dans la voix, lui raconta ce qui s'était passé. Sa visite à Madame d'Esnoux, sa rencontre avec le notaire, et enfin, la Bécardine le pressant, ses amours avec Jeanne. Il finissait par le commencement. « Alors, dit le prêtre, tu n'oses pas rentrer chez ton père ?»« Non, monsieur l'abbé. » »« Dis donc, gamin, depuis 6 mois que tu es sorti de l'école, tu ne viens plus aux vêpres ?»« Non, mais je vais à la messe. » Parce que ta mère t'y force, et tu ne viens plus à confesse ? Le petit Laplace rougit. Tu te trouves trop, monsieur, pour ça, hein ? Tu vois que ça n'est pas difficile, pourtant. Tu viens de te confesser comme tu ne le feras jamais. Allons, viens avec moi. Le prêtre retourna vers Valsemé et continua à lire son bréviaire, pendant que le gamin le suivait en mâchonnant de grandes herbes jaunes, qu'il arrachait au talus. Quand ils entrèrent dans la boutique du peintre, Madame Laplace, qui était assise derrière une table sur laquelle un registre était ouvert, se leva, et avant qu'elle eût pu ouvrir la bouche. « Je vous ramène un pécheur repentant, dit le curé. Vous allez me promettre que vous ne le gronderez pas. Il s'est confessé, je lui pardonne. Faites-en autant. » Des larmes vinrent aux yeux de la mère. Elle regardait son fils, honteux, qui se cachait derrière le prêtre. « Il vous a donné de l'inquiétude, hein ?»« Oh, monsieur le curé, dit Madame Laplace en pleurant. » Quand je pense qu'il est déjà, nous en ferons rien de bon. Voyons, calmez-vous. Embrasse ta mère et demande-lui pardon. Maman, je ne le ferai plus, dit le gamin. Le père Laplace entrait. Ah, te voilà, cria-t-il furieux et se retournant. Bonjour, monsieur le curé. La Bécardine, voyant la colère du père, le prit par le bras et l'entraînant dans un coin pendant que la mère et le fils s'embrassaient. Ne le grondez pas, voyons, je vous le ramène, la fille est arrêtée. « Le gamin ne la verra plus, il va être sage. »« Oh, monsieur l'abbé, je veux lui donner une leçon. »« Voyons, reprit le prêtre, laissez-le tranquille. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux le voir comme ça? Il n'est pas bête. » Et se retournant vers le gamin. « Viens embrasser ton père, la paix est faite. Mais tu sais, tâche de travailler mieux que tu ne fais. » Et se tournant vers le peintre. « Il vous aide, n'est-ce pas? Fais un bon ouvrier. » « À propos... « Venez me remettre un carreau qui manque dans ma salle à manger. Au revoir. » Laplace lui tendit la main que le curé serra, et il allait sortir quand le maître de Valsemé entra dans la boutique. L'honorable charcutier municipal fit la grimace. Il était en froid avec le curé depuis l'aventure du cochon. « Bonjour, monsieur le curé. »« Bonjour, monsieur le maire. » »« Vous savez que Valsemé est dans l'indignation ?»« Pas possible. » « Je crois de mon devoir de représentant de la loi de venir demander à Monsieur Laplace s'il a l'intention de faire poursuivre la fille Jeanne pour détournement de son garçon qui est mineur. » Le peintre, sa femme et le gamin ouvraient de grands yeux, intimidés par la vue de l'écharpe tricolore que le maire avait cru devoir revêtir, vu la gravité de la circonstance. « Voyons, dit le curé, laissez donc cette affaire-là. Il est inutile de l'ébruiter. Si vous étiez à la piste des détournements de mineurs, vous mettriez votre écharpe du matin au soir. De tels cas sont rares à Valsemé. Pas si rares que vous croyez, je le sais bien, moi. Le maire, mécontent de cette résistance, reprit. « Eh bien, puisqu'il en est ainsi, je ne consulte plus les parents. Je vais prévenir le parquet, qui la poursuivra pour détournement de mineurs. » « Mais je n'y tiens pas, » dit le peintre. Le curé lui dit, « Écoutez, n'en faites rien. On la condamnera comme voleuse, cela suffit. Ne demandons pas la mort du pécheur. Si vous voulez vous tenir tranquille, je vous donnerai satisfaction d'une affaire qui nous a un peu brouillés. Vous avez beau dire, mon cher ami, vous m'en voulez. Moi, et pourquoi ? Tenez, vous vouliez que je dise 2 messes de plus qu'il n'était convenu pour avoir tué mon cochon. Eh bien, j'en dirai 4, et n'en parlons plus. Au revoir, monsieur Laplace. » Le maire et le curé sortirent, et le peintre, resté sur la porte par politesse, rentra en disant à sa femme, « Quel brave homme, notre curé !» Le gamin fut étonné de ne point recevoir de taloche. Son père et sa mère lui parlaient comme d'habitude, et il ne fut pas question de son aventure de la nuit. « Dis donc, papa, veux-tu me laisser sortir 5 minutes ?» Laplace, étonné, le regarda. Jamais le gamin ne demandait de permission pour aller flâner avec les gamins du bourg. « Mais où veux-tu aller ? Tu rougis ?»« Je veux aller à l'église. » Sa mère l'embrassa. Il partit. Les 15 sous que la femme du notaire lui avait donnés brûlaient sa poche. N'était-ce pas le prix du sang qu'il avait là ? Et ayant acheté un cierge, il le plaça allumé devant l'autel de la Vierge Marie. Jeanne, pendant le voyage, demandait qui avait pu la dénoncer. Desnous ? C'était peu probable. Et cependant elle connaissait au notaire une si étrange façon de comprendre la probité qu'il avait bien pu être furieux du vol de ce pantalon. Peut-être avait-il vu sortir le petit Laplace et voulu se venger d'être trompé. Elle regrettait bien de l'avoir fait sortir si tôt ce gamin que Desnous, évidemment, avait rencontré sur la route et interrogé. Elle songeait aussi à une trahison du petit, se rappelant que tout le monde connaissait la disparition du pantalon, que la description en avait partout été faite, et que le gamin avait pu le voir au moment où elle l'avait mis pour faire enrager son amant. Quelle bêtise elle avait faite là, en tout cas. C'était sa faute. Elle avait chassé le petit Laplace qui était parti furieux, et cela de façon qu'il pût être rencontré par Desnous. Ces 2 amants fâchés du coup. Elle ne put s'empêcher de sourire, en se les représentant tous deux, les rivaux, l'un de 40 ans, l'autre de 15, causant d'elle sur la route. Et comme elle regretta d'avoir pris le pantalon le jour de la lessive, était-ce assez idiot au fond? Elle eut un remords de ce vol, à cause de ses conséquences. Madame Desnous, pendant ce temps, était bien ennuyée. Elle voulait écrire à son mari, mais Mignet lui avait conseillé de n'en rien faire. Devant cette révolution du bourg, elle regretta d'avoir permis au Mercier de faire arrêter Jeanne, d'autant plus que cette relique, ainsi que le lui avait fait remarquer l'abbé Cardine, ne pouvait plus rester dans sa chasse, la grande armoire de chêne odorant la verveine et l'iris. Le soir de ce jour, mémorable à Valsemé, Jeanne, enfermée dans une cellule de la prison de Pont-l'Évêque, regrettait son équipée. Le petit Laplace était bien ennuyé de ce qu'il avait fait. Avoir ainsi perdu son bonheur, quoique chassé par Jeanne, peut-être aurait-il pu la revoir plus tard. Madame Desnous était effrayée à l'idée qu'il lui faudrait aller déposer devant le tribunal. Comme on lui avait raconté par le détail l'arrestation, elle savait que Jeanne n'avait pas voulu partir sans embrasser son père. Ce trait la toucha, et avant de se coucher, elle envoya sa bonne chez le vieil infirme lui porter les restes de son dîner. Mais il était trop tard, la servante de l'abbé Cardine avait apporté celui de son maître, qui dînait chez le maire, avec lequel il s'était réconcilié.